avant toi, brouillard, avant toi, plus rien. Je reviens nulle part. Avant toi, le trou noir. Avant toi, les mains. Comme un radar, j'ai suivi ton regard. J'ai choisi tes amas. Dans tes yeux, je suis bien. Wow.